je te plains pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que je suis pas un gars pour toi. J'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. J'avais à t'avoir touché, mais si aujourd'hui j'ai réalisé que je m'étais planté et que je n'aurais jamais dû te parler. Je sais que ça ne vaut pas la peine que je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train de perdre la face. Faut croire que c'est ça l'amour. On vit autrement, chacun son tour. Moi que je te plais pas, que tu me rappelles même pas. Je plais à personne quoi, même parce que je suis pas pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Tu m'as banni de tes pensées, faudrait peut-être que je cesse de t'aimer. Et je te ne laisserai pas tomber, car je suis condamné à vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée.